بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله اليوم هذه المحاضرة التي يلقاها الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله عبر الهاتف. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire un cours qui a été donné par le savant de Médine, Cheikh Ubayd Jabri, par téléphone, concernant Maratib Jihad al-Nafs. Normalement, j'aurais dû commencer le commentaire des quatre règles par les savants, mais ce qu'il y a, c'est que j'avais eu la semaine chargée, donc j'avais préparé, Inch'Allah, et en ce cours, entre le Cheikh Ubayd. Donc Maratib Jihad al-Nafs, ce sont les étapes dans la lutte contre son fort intérieur. D'accord ? Son âme, son fort intérieur. Comment la personne peut-elle lutter ? فالنفس مهما يكون حالها لابد أن يعتريها من الكسل والصدود والفتور بل والانحراف في بعض الأحيان من بعض النفوس ما يستدعي معالجة حالها حتى تستقيم على محاب الله ومراضيه ومجانبة مساخته ومغاضبه. Donc l'âme, le fort intérieur, peu importe son état, elle est sujette à tomber dans la paresse, dans la déviance, aux choses mauvaises, dans certains cas de certains types d'âmes, yani de fort intérieur. Ce qui implique que ce type d'âme nécessite d'être traité, d'être prise en charge, jusqu'à ce qu'elle se mette sur le droit chemin. Qu'elle se mette à faire ce qu'Allah Azza wa Jal agrée et aime, tout en évitant ce qui mène à la colère d'Allah et à son châtiment. وقديما قالوا الانسان اعداؤه ثلاثه. Et il était dit que les ennemis de l'individu sont au nombre de trois. الشيطان, le diable, النفس الأمارة بالسوء, l'âme qui pousse l'individu à faire les choses mauvaises, والهوى, et le suivi des passions. Ça, ce sont les trois ennemis de l'individu. Le diable, l'âme, le fort intérieur qui pousse l'individu à faire les choses mauvaises, et le suivi des passions. والنفس الأمارة بالسوء هي أشد النفوس علاجا وأخطرها على الإنسان. L'âme, le fort intérieur qui ordonne à faire des choses mauvaises, est celle qui nécessite le plus d'être traitée. C'est aussi la plus dangereuse chez l'individu. فكم من إنسان أردته وأوقعته في المهالك وأصبح نهبة للشيطان وفارسة للهوى. Combien de personnes furent donc corrompues par ce type d'âme, l'âme qui pousse l'individu à faire les choses mauvaises, qui les poussant au mal et à la destruction de soi, devenant ainsi une chevalière de la passion et une victime du shaitan. ولهذا كان لزاما على المسلم أن يجاهدها أكثر من غيرها. C'est pour cela qu'il est du devoir du musulman de la combattre plus que les autres ennemis. فالنفوس ثلاثة. Il y a trois types d'âmes. إحداها اللوامة وهي التي تلوم صاحبها لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا لو كنت فعلت كذا لكان كذا وهذه قريبة من الخير. Donc c'est le premier type d'âme, c'est l'âme qui blâme la personne. Et celle-ci, comme a dit le cheikh, elle est proche du bien. Elle le blâme. Pourquoi as-tu fait ça? Il se remet en question. Pourquoi as-tu fait ça? Si tu avais fait ça, eh bien ça aurait été comme ça. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'elle le blâme constamment. Et celle-ci, elle est proche du bien. وَلَعَلَّهُ لِشَرَفِهَا وَقُرْبِهَا مِنَ الْخَيْرِ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهَا. Et peut-être de par son honneur, et le fait que ce type d'âme soit proche du bien, Allah Azza wa Jal a juré avec. قَالَ جَلَّ وَعَلَى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Allah Azza wa Jalla dit, dans la traduction du sens des versets 1 et 2 de Sourate Al-Qiyama, « Non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. » الثانية المطمئنة. Le deuxième type d'âme, c'est l'âme apaisée, tranquille, paisible. وهي الموقينة الساكنة. Donc c'est يعني l'âme paisible. الراغبة في فعل الخيرات. C'est l'âme qui est toujours prête à vouloir faire le bien. والمجانبة لفعل المساخط والمنكرات. Et c'est celle aussi qui écarte l'individu à faire les choses mauvaises et les choses détestables. L'âme apaisée. وهذه نواها الله بذكرها في قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Et cette âme-là, Allah le Très-Haut l'a mentionné dans sa parole, dans la traduction du sens des versets 27 à 30 de Sourate Al-Fajr. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. والثالثة الأمارة بالسوء. Donc le troisième type d'âme, hein, c'est l'âme qui ordonne les choses mauvaises dont nous avons déjà parlé au départ. Donc l'âme اللوامة qui blâme l'individu, المطمئنة l'âme apaisée, tranquille, qui pousse l'individu, invite l'individu à faire le bien et l'écarte des choses mauvaises, hein, والأمارة بالسوء l'un des pires ennemis de l'individu. Hein? Avec le shaitan, le suivi des passions. Donc, dont celle-ci est la plus difficile à, hein, à combattre. والسؤال. Donc, يقول الشيخ حفظه الله والسؤال. Donc, la question que va poser le shaykh, c'est كيف يجاهد المرء نفسه. Donc, comment l'individu peut-il, hein, combattre son fort intérieur. حتى تصبح طيعا لفعل الأوامر الله ومجانبة نواهي وتصديق أخباري. Donc, comment la personne peut lutter, combattre contre sa propre âme, son fort intérieur, jusqu'à ce que cette âme, hein, obéisse à faire les ordres d'Allah, ainsi que d'éviter ses interdits et croire à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a informé. Donc le shir dit que, eh bien, il y a quatre étapes, quatre niveaux à faire afin de lutter contre son fort intérieur. Quatre niveaux. المرتبة الأولى مرتبة العلم. Déjà la première étape, le premier niveau afin de combattre contre son fort intérieur, hein, c'est le niveau, l'étape du savoir, de la science. واعلموا أن العلم إذا أطلق عند أهل الإسلام هو العلم الشرعي وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. هذا هو العلم الشرعي وأنه لا تدخل غيره معه من العلوم المتنوعة. D'accord? Donc le shir dit que lorsque, donc sachez que la science, lorsque les gens de les savants disent par exemple le ilm, ce qui est voulu par le ilm, la science, hein, lorsque c'est prononcé par les gens de l'islam, il s'agit de la science légiférée. La science légiférée. Quelle est la science légiférée? Sa limite étant le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne s'arrête pas là. Le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam est selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Que sont les salaf salah? On retourne alors, compréhension. Et les salaf salah, les pieux prédécesseurs, il est essentiel de retourner à leur compréhension afin d'appliquer le Coran et la sunna. Essentiel. On ne peut pas être sur la droiture si on ne retourne pas à leur compréhension. Qui est celui qui connaît le mieux la religion? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes sur terre, c'était qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui recevait la révélation d'Allah azza wa jal. Et lorsque les compagnons ne comprenaient pas un verset, ou ne comprenaient pas quelque chose, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils utilisaient leur logique? Non. Est-ce qu'ils utilisaient leur raison? Non. Est-ce qu'il disait, j'ai une raison, Allah il m'a donné une raison, donc je peux réfléchir, hein? Subhanallah. Non, c'est une religion de suivi. On ne te demande pas de devenir mathématicien, essayer de réfléchir comment tu peux. C'est une religion de suivi. Allah il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète c'est comme ça qu'il l'a expliqué aux compagnons. Et les sahaba qui ont compris cette religion-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont transmis à ceux qui les ont suivis. Ainsi de suite. Donc tous ceux qui se tiennent derrière eux, ce sont ceux qui se tiennent sur la voie prophétique. D'accord ? Donc la science légiférée, c'est quoi ? C'est le Coran et la Sunna, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs, qu'on dit en arabe les salaf salah. Donc, « وَالسَّلَفْ صَلَحْ هُوَ كُلْ مَنْ مَضَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ أَثَرِهِ وَاَقْتَدَى بِهِ » Donc, les pieux prédécesseurs sont tous ceux qui ont suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui se tenaient sur quoi se tenait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. « وَأَسَاسُ لَئِكُمْ السَّلَفِ الصَّلَحْ هُمُ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » Et la base de ces pieux prédécesseurs, qui sont-ils ? Ce sont les compagnons du prophète Muhammad, qu'Allah soit satisfait de tous. ثم من بعدهم من أئمة التابعين. Donc après eux, il y a les imams parmi les tabi'in. Les tabi'in, ce sont ceux qui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était les étudiants des compagnons, ce sont eux les tabi'in. C'est-à-dire, ils ont rencontré les compagnons, mais ils n'ont pas pu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Et le shaykh a donné des exemples. مثل سعيد بن المسيب المخزومي وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى بن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن زبير وغيرهم لمن عرفت الأمة جلال قدرهم وإمامتهم في الدين والفضل. Donc tous les noms qu'il a mentionnés comme Saïd ibn Jubayr, comme Ikrima Mawla ibn Abbas, comme Al-Qasim ibn Muhammad ibn Bakr, Urwa ibn Zubayr, tous les noms et tous ceux que la communauté musulmane a reconnu, hein, leur science, leur piété et leur bonté dans la religion. Et après ces grands imams-là, les quatre imams, qui sont connus sous les quatre écoles, entre guillemets, juridiques. Ashab al-madahib al-mutanawwi'a al-muhtarama. Donc, les quatre imams de ces quatre respectueuses écoles juridiques. D'accord ? Thumma min ba'dihim, après eux, ashab al-kutub al-sitta. Donc, ce sont ceux des six livres, des hadiths. Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Tirmidhi, Abu Daoud. D'accord ? Ils sont ici. Wasa'ir al-a'imma min ahl al-qurun al-mufaddala thalatha. Et tous ceux, parmi les imams et les gens de science, qui faisaient partie de ces trois siècles-là. Allati shahida lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ghayri ma hadith qawluhu sallallahu alayhi wa sallam khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Donc ce sont ceux qui sont mentionnés dans ce hadith-là notamment, qui est donc dans ce hadith-là, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « les meilleurs des gens sont ceux de mon temps, de mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » D'accord ? Ceux qui font partie de... Ça, c'est une attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui me suivent, puis ceux qui me suivent. » هذه المراتب الأربعة عرفتم المرتبة الأولى العلم بقية الكيفية كيف يطوع المرء نفسه. Donc de ces quatre niveaux, on a déjà vu la première étape en parlant que c'est la science légiférée, que la personne se doit de rechercher la science légiférée. Seulement, il reste à expliquer le comment, la façon pour que l'individu puisse éduquer son âme à faire en sorte d'appliquer les ordres d'Allah, d'éviter ses interdits et de croire en tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, ainsi que d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-ilm al-shar'i bihi yu'raf al-haq min al-batil wal-huda min al-dalal wal-halal min al-haram wal-sunnati min al-bid'a. Donc c'est avec la science légiférée, c'est avec la science légiférée que l'on distingue le vrai du faux, la voie droite de l'égarement, le licite de l'illicite et la sunna de la bid'a. D'accord ? C'est en ayant cette science légiférée-là qu'on peut distinguer cela. Mais si on n'a pas cette science légiférée-là, on ne peut pas distinguer cela. Donc comment se mettre sur la voie de nos pieux prédécesseurs si déjà on n'a pas ce savoir-là qui nous permet de distinguer le vrai du faux, la voie droite de l'égarement, la sunna de la bid'a et le licite de l'illicite. فبقدر ما ينال المرء بالعلم الشرعي بقدر ما ينال حظه من الهدى والتمسك بالسنة ومجانبة الضلال والبدعة وإحلال الحلال وتحريم الحرام. Plus la personne connaît sa religion en s'éduquant selon la science légiférée, comme nous l'avons expliqué, et bien plus elle aura l'opportunité de connaître la voie droite et plus elle s'accrochera à la sunna et elle délaissera ainsi l'égarement et l'innovation religieuse. Elle rendra ainsi licite ce qu'Allah a rendu licite et rendra illicite ce qu'Allah a rendu illicite. C'est-à-dire que c'est clair, elle n'a pas de doute. D'accord ? Elle n'a pas de doute, c'est clair. Si Allah Azza wa Jal, par exemple, a rendu des individus étant mécréants, on sait que tous ceux qui se tiennent sur cela sont des mécréants. Avec clairvoyance. On n'est pas dans le doute, en disant non, mais peut-être que... D'accord ? Et on sait distinguer le vrai du faux. وبقدر ما يفوته المرء من هذا العلم الشرعي فإنه يفوته من الهدى والسنة والحق بقدر ما يفوته بهذا العلم. Et plus le moins, pardon, moins il connaît la science légiférée, eh bien plus il est sujet à l'égarement. Moins il connaîtra le licite de l'illicite. Moins il connaîtra ce qu'est la sunna et ce qu'est la bid'a. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا خيرا يفقهه في الدين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont Allah lui veut du bien, celui dont Allah lui veut du bien, il lui enseigne, lui donne la bonne compréhension de la religion. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim dans le Sahih. والمعنى يرزق فيه البصيرة والمعرفة التامة حتى يكون على بينة من أمره فيعلم أنه يفعل ما يفعل وأن هذا الذي يفعله مأمور به ويعلم أنه ما يدعه منهي عنه. D'accord. Donc le shir dit, donc ce qui est voulu ici par celui dont Allah lui veut du bien et lui enseigne la religion, c'est qu'il lui donne la clairvoyance dans la religion. Il lui donne la clairvoyance dans la religion. D'accord ? La bonne compréhension, claire et correcte, totale. Il sait que s'il fait telle chose, c'est parce que Allah l'a ordonné. Et s'il délaisse une chose, il sait parce que Allah Azza wa Jal a interdit telle chose. Qala ta'ala. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dans la traduction du sens du verset 18 de sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc le premier qui témoigne de cela, c'est Allah Azza wa Jal, qui connaît tout. Qui connaît tout. Puis le second qui témoigne de cela, ce sont les anges, qui ne désobéissent pas à Allah et qui font ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Enfin, le troisième qui témoigne de cela, ce sont les gens de science, al-ulama, les savants. Ce qui montre le degré des savants auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça montre le degré des savants. Wa fil hadith as-sahih, et dans le hadith qui est authentique. Fa innal ulama warathatul anbiya. Les prophètes, les savants sont les héritiers des prophètes. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham wa innama warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Donc, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent pas en héritage de l'argent, dinar ou dirham. D'accord ? Mais ils ont laissé comme héritage le savoir, la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Un hadith qui est authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. العلماء فهم مصابيح الهدى ومنارات السنة بهم تقوم الحجة على الخلق. Les savants sont les protecteurs de la sunna. Ils montrent aux gens la voie droite à suivre. Et ce sont les savants qui apportent la preuve aux gens. Qui apportent la preuve aux gens. C'est pour cela, à chaque fois nous le répétons, il ne faut pas se faire influencer par des gens qui ont la mauvaise langue sur les savants de l'islam. Car ces gens-là, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient juste d'écarter les gens des savants pour qu'ils retournent à leur ignorance ou à des ignorants qui vont les égarer. En disant, ce sont les savants du sultan ou ce sont les savants qui vivent dans des palais ou quoi que ce soit, ils s'en fichent de la communauté, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Allez, subhanallah. Il faut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. D'accord ? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement expliqué que la chair des savants est empoisonnée. C'est pour ça que les ulama ont bien indiqué que celui, il ne faut pas être étonné de l'égarement de celui qui parle mal sur les savants, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la chair des savants est empoisonnée. Vous comprenez que s'il parle mal sur les savants, ou s'il insulte les savants, ou s'il remet en cause leur honneur, ou s'il remet en cause leur véracité dans la religion, eh bien celui-ci sera touché par cette invocation-là. Il sera empoisonné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il sera égaré. C'est pour cela, il ne faut pas être étonné de l'égarement de cette personne-là. D'accord? Mais de toute façon, chaque personne qui se tient en se disant « Allah dit », le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahabas disent, et retourne constamment à l'explication donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la compréhension des sahabes et de ceux qui les ont suivis à la perfection, vous ne vous égarerez jamais, inshallah. Parce que vous vous tenez à une chose qui est claire, une voie qui est claire. De par cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés dans ce hadith. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin. La yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a mentionné ces savants-là. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces savants-là dans ce hadith-là. Il y aura toujours une minorité de ma communauté qui se tiendra sur la vérité. Ceux qui les ont opposés ou contredits ne les nuiront en rien. Ils ne seront pas influencés par eux. Parce qu'ils connaissent la vérité. Ils sont sur une voie droite. Ils apprennent leur religion. Ça fait pour eux, ils ont une clairvoyance qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnée parce qu'il leur veut le bien, parce qu'il sait que dans leur cœur, ils sont sincères à rechercher la vérité. Alors Allah Azza wa Jalla les guide vers la vérité. Donc pour eux, c'est clair. Ils ne sont pas influencés par les gens qui suivent leur passion ou les gens qui les opposent. Et ils resteront fermes sur la droiture jusqu'à un peu avant la fin des temps. Comme on avait déjà expliqué à propos de ce hadith-là. Parce que la fin des temps se lèvera sur les pires des personnes. Pour ça que les ulémas ont mentionné, c'est jusqu'à un peu la fin des temps, ils resteront tout le temps une minorité. Puis à la fin des temps, se lèvera sur les pires des personnes. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin afin d'étudier la religion d'Allah azza wa jalla. Celui qui emprunte un chemin afin d'étudier la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Allah lui facilite une voie vers le paradis. هذه مرتبة الأولى مرتبة العلم وضدها الجهل. Donc ceci c'est la première étape, c'est l'étape du savoir, de la science légiférée. Dont son contraire c'est l'ignorance. وسمي النصارى ضالين لأنهم يعبدون الله على جهل. Donc les chrétiens ont été dénommés comme étant des égarés. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Allah avec ignorance. Avec ignorance. Ils adorent Allah avec ignorance. Donc aux musulmans de faire attention de ne pas ressembler aux chrétiens. On n'adore pas Allah au feeling ou bien comme on croit que c'est bien. Al-ibadat توقيفيه. Les actes d'adoration sont restreints. Il n'est pas permis à un individu de vouloir faire un nouvel acte d'adoration venu de sa tête en pensant que c'est mieux. S'il fait un acte d'adoration, voilà pourquoi le savoir est important. S'il fait un acte d'adoration, c'est qu'il connaît la preuve. Il sait que ceci a été ordonné par Allah Azza wa Jal, a été ordonné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'adore pas Allah Azza wa Jal avec ignorance. D'accord ? وسمي اليهود مغضوب عليهم لأنهم لا يعملون بما عندهم من العلم. Et les juifs ont été dénommés comme étant ceux qui ont encouru la colère d'Allah car ils n'appliquent pas le savoir qu'ils ont. Car ils n'appliquent pas le savoir qu'ils ont. Donc à nous aussi en tant que musulmans de ne pas ressembler aux juifs, d'apprendre dans la religion d'Allah et de ne pas appliquer ce que l'on connaît. المرتبة الثانية مرتبة العلم. La deuxième étape, le deuxième niveau, c'est المرتبة العمل. Le deuxième niveau, c'est le fait d'agir. Maintenant, les œuvres. Donc première étape pour lutter contre son fort intérieur, contre son âme, hein? Nous avons vu que c'est la science, rechercher la science légiférée. Auprès de qui ? Auprès de ceux que l'on sait qui sont sur la sunna. Ce n'est pas le pré... La personne, elle parle, je pense, je crois que, selon le milieu où est-ce qu'on est, je pense que, selon la situation. Ce n'est pas comme ça l'ilm. Allah, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les compagnons disent. On transmet les paroles des savants, d'accord ? Qui sont sur la sunna. En se tenant comme ça, parce qu'on sait qu'on va se faire juger sur tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Barakallahu fikum. Donc on doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit et ne pas essayer de yani, juste s'asseoir ou de rechercher n'importe quelle assise sans savoir si la personne sur quoi elle se tient. Non, on doit s'assurer que ce qui est dit, c'est bien en conformité avec la voie prophétique, la voie droite. Pour pas, parce que le problème, c'est que lorsqu'on s'assoit avec des gens comme ça, sans savoir s'ils sont sur la voie prophétique ou pas, ils peuvent impliquer des doutes dans la tête des gens, ce qui va égarer les gens de la voie droite. Des doutes faciles. Ce qui va impliquer, il y en a qui va faire écarter. Des gens qui étaient sur la voie droite se sont retrouvés dans des sectes égarées. Je vous le dis, on les voyait sur la voie droite et aujourd'hui, ils font partie des sectes égarées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils se sont dit, non, c'est bon, j'ai un cerveau, je peux, hein, je saurai comment différencier. Mais il lui vient avec un doute qui lui plante dans le cœur. Comment il va lui enlever ? Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivit qu'il y en avait un qui était connu pour vouloir innover dans la religion d'Allah. Lorsqu'il venait pour parler, il bouchait ses oreilles. Il lui disait, mais il récite juste des versets d'Allah. Il lui a dit, il récite les versets d'Allah et ensuite il va hein, lui donner selon son sens à lui. Et donc, il risque de me mettre un doute et il risque, subhanallah. Ça, ce sont les compagnons dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort en étant satisfait d'eux, dont Allah, azza wa jal, les a mentionnés avec satisfaction dans le Coran. Subhanallah. Alors, qu'en est-il de nous en 2015 ? Donc, al-martabatu thaniya, martabatu al-amal. Deuxième étape, c'est le fait maintenant d'agir sur ce savoir-là. فَإِنَّ الْعَمَلْ هُوَ ثَمَارَةُ الْعِلْمِ وَزَكَاتُ. Les œuvres, les actions, c'est le fruit du savoir ainsi que sa purification. وَقَدِيمًا قِيلْ إِنَّ عِلْمًا بِلَا عَمَلْ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرٍ. Il est dit, avoir de la connaissance, du savoir, sans agir dessus, c'est comme un arbre sans fruit. Comme un arbre sans fruit. Avoir de la connaissance sans agir dessus est comme un arbre sans fruit. فَالْعَمَلَ الَّذِي يَنَالُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقَبُولُ مِنْ أَهْلِهِ هُوَ مَا جَمَعَ أَمْرَيْنِ هُمَا شُرُوتُهُ. Donc, les œuvres, donc la personne doit œuvrer maintenant sur le savoir qu'elle a, mais les œuvres que Allah Azza wa Jal est satisfait de ces œuvres-là et accepte de ces œuvres-là et agrée ces œuvres-là, ce sont les œuvres qui regroupe ces deux points, ces deux conditions d'acceptation, comme on en avait déjà parlé. D'accord ? أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده. Le premier point, c'est que la personne, lorsqu'elle fait un acte d'adoration, que ce soit sincère pour Allah Azza wa Jal seul. Elle ne recherche qu'Allah Azza wa Jal avec cela. Ni les gens, ni elle le fait pour autre qu'Allah. C'est-à-dire, ni elle fait du polythéisme majeur en faisant un acte d'adoration, comme par exemple, comme on avait dit, égorger un animal, elle le fait pour autre qu'Allah, ou elle va invoquer autre qu'Allah, ce qui annule l'islam, tout cela. Ni elle le fait pour que les gens disent d'elle, c'est-à-dire dans son intention, elle veut que les gens disent d'elle, ou la voient en train de faire cet acte d'adoration-là, c'est-à-dire ni qu'elle fasse du polythéisme majeur, ni qu'elle fasse du polythéisme mineur. D'accord ? Ça doit être sincère pour Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que les ulama disent tout le temps, lorsque vous venez pour faire un acte d'adoration, vous devez constamment vous poser la question, pourquoi je fais ça ? Et pour qui je le fais ? Avant de commencer l'acte. Dans la tête, on ne fait pas par la parole. Dans la tête, on se remet en question. Est-ce que je le fais pour Allah Azza wa Jal seul ? Et on renouvelle notre intention pour s'assurer que ce ne soit fait que pour Allah Azza wa Jal seul. Premier point, sincérité envers Allah Azza wa Jal seul. وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le deuxième, la deuxième condition, c'est le fait de suivre, d'être sur la voie prophétique selon la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Sincère envers Allah عز وجل et selon la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Ce sont les deux conditions d'acceptation. S'il en manque une des deux, soit la personne, elle fait un acte d'adoration selon la sunna. D'accord, l'imam Nuqaym rahimahullah avait mentionné qu'il y a quatre types d'individus, quatre types d'œuvres, dont trois ne sont pas acceptées et une seule est acceptée auprès d'Allah. Celle qui est acceptée auprès d'Allah, c'est celle qui est sincère envers Allah Azza wa Jal et selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'autre qui n'est pas acceptée auprès d'Allah, c'est celle qui est sincère pour Allah. L'individu, le musulman, il est sincère lorsqu'il fait cet acte-là. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que malgré sa sincérité, cet acte n'est pas accepté. Pourquoi ? Parce qu'il ne le fait pas en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? C'est une religion de suivi. C'est pas une religion d'invention ou d'innovation. Religion de suivi. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Attabi'u wa la tabtadi'u ». Attabi'u wa la tabtadi'u. Suivez, mais n'innovez pas. N'inventez pas. Si on ne sait pas, on ne fait pas. Et on demande. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. L'autre œuvre qui n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est, donc on avait dit, celui qui est sincère envers Allah, mais pas selon la sunna. Celui qui n'est pas sincère envers Allah, c'est-à-dire que soit il le fait par ostentation, ou soit il... Hein, mais il le fait selon la sunna. Par exemple, il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, selon la sunna, d'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est que son intention, c'est que pour que les gens disent de lui. Si son intention c'est cela, ce n'est pas accepté. Et l'autre, c'est lorsque ce n'est pas sincère envers Allah, et lorsque ce n'est pas selon la sunna. Le seul qui est accepté, sincère envers Allah azza wa jal, est selon la tradition prophétique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأبلغ من هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والقرآن حجة لك أو عليك. Et encore pire que cela, il y a ce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit: le Coran est une preuve pour toi ou une preuve contre toi. Une preuve pour toi, une preuve contre toi. والمعنى أنه لا بد لك من واحد من طريقين. Donc il est essentiel que ce soit, donc le sens il va le donner, donc selon ces deux points-là. إما أن تستعمل القرآن كما أمر الله عز وجل فيكون حجة لك عند الله كما في الحديث الصحيح يؤتى بالقرآن وأهل الذي كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. هذا هو صاحب القرآن تلاه فتدبره فعمل به. Donc, un des cas, soit l'individu agit sur ce qu'il a étudié du Coran. Il l'a lu, il l'a récité et il agit dessus. D'accord ? Il a lu, récité et agit dessus. Et celui-ci, ce sera une preuve pour lui, comme dans le hadith qui est authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le Coran sera présenté le jour de la résurrection. Et ceux qui agissaient dessus, dans cette vie d'ici-bas, Sourate al-Baqarah et Sourate al-Imran, lui seront une preuve pour lui. D'accord ? Il l'a compris, agit dessus en rendant licite ce qu'Allah Azza wa Jal a dit que c'était licite et en rendant illicite ce qui est illicite. هذا العمل بهذين المرتبتين يكمل المرء نفسه. Donc, parce qu'après le cheikh il n'avait pas repris le deuxième point là. Donc il avait dit, par ces deux étapes, la personne complète son âme. C'est-à-dire d'une part, la science légiférée et le savoir. Donc les deux points qu'il mentionnait, le Qur'an est une preuve pour toi, soit contre toi. Pour toi, c'est lorsque tu l'as récité, lu et appliqué. Surat al-Baqarah et Ali Imran seront une preuve pour toi. D'accord ? Le Coran sera une preuve pour toi. Alors qu'il sera une preuve contre toi si tu l'as lu, récité et tu n'as pas agi dessus. Donc déjà par ces deux premières étapes-là, l'individu, la personne, complète son âme. À prendre une part complète de savoir, puis en la forçant à appliquer ce savoir. Donc la personne, elle recherche le savoir, mais ce n'est pas juste elle recherche pour le plaisir de rechercher. Non, elle fait cela pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le plus tu connaîtras Allah Azza wa Jal, le plus tu le craindras. Et le plus tu feras partie des gens pieux. Mais à toi de te forcer, à nous de se forcer d'appliquer le savoir que l'on recherche. المرتبه الثالثه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. Le troisième point, c'est l'invitation à Allah Azza wa Jal. وهي التوصي بالحق. C'est le fait de conseiller avec véridiquement, c'est-à-dire avec sincérité. D'accord ? الدين النصيحه dans ce hadith là, النصيحه littéralement il est traduit par le conseil. Mais nosh al-nasiha, ça concerne la sincérité. C'est-à-dire la sincérité dans les actions que tu fais. La sincérité envers Allah, la sincérité envers tes gouverneurs, la sincérité envers tes frères musulmans, tes frères de la communauté musulmane. D'accord ? La sincérité que tu as. Subhanallah. فَإِنْ مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ بقي عليه حقا لإخوانه. Car celui, l'Ikhwan al-Muslimin, وهذا الحق هو تعليمهم مما علمه الله سبحانه. Donc il a dit que l'individu qui a déjà forcé son âme à apprendre la religion d'Allah, ensuite il applique lui ce qu'il a appris, il lui reste une part à ses frères de la communauté musulmane qu'il doit leur transmettre ce savoir-là. هذا هو طريق الدعوة الذي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc ceci est la voie à suivre dans l'appel, l'invitation à l'islam. Ceci est la voie à suivre. D'accord ? C'est-à-dire qu'on apprend, on applique, et ensuite on invite. On ne fait pas comme des groupes égarés où est-ce qu'ils invitent au lieu d'apprendre et d'appliquer. On ne mélange pas les choses. On doit apprendre, appliquer ce qu'on a appris. Ensuite arrive l'étape d'inviter. Dans la traduction du sens du verset de Sourate Yusuf, verset 108, dit « Voici ma voix ». J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, me basant sur une preuve évidente. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Dans la traduction du sens du verset 125 de sourate An-Nahl, Allah azza wa jalla dit par la sagesse. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. والمعنى أحسن خطابك لهم وبين لهم ما يحتاجونه من الفقه في دين الله. Et le sens, c'est quoi? C'est que et une bonne façon de leur parler. D'accord? Et montre-leur, clarifie-leur ce qu'ils ont besoin dans, à comprendre dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. فالدعاة ثلاثة. Il y a trois types de prédicateurs. Trois types de prédicateurs. أحدهم دعاة الحق والبصيرة. Les prédicateurs de la vérité, qui se tiennent sur la vérité et la clairvoyance. دعاة على علم. Ce sont des prédicateurs qui sont sur connaissance. يفقهون الناس دين الله وأساسه التوحيد وسائر الطاعات العملية من فرائض ونوافل. Donc ce sont les prédicateurs qui éduquent les gens à comprendre leur religion, la religion d'Allah Azza wa Jal, et la base de tout cela, c'est qu'ils insistent sur le pur monothéisme d'Allah Azza wa Jal. Car tout le Coran est basé sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Donc ils insistent sur cela. Ils insistent sur cette base-là, en leur expliquant avec clairvoyance pour que les gens comprennent mieux. Et ainsi que toutes les obéissances qui sont obligatoires et ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé de faire. En leur expliquant avec clarté. وَيُحَذِّرُونَ النَّاسِ مِنْ مَغَادِبِ اللَّهِ وَمَسَاخِتِهِ وَأَعْذَمَهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ كَمَا يُحَذِّرُونَهُمْ مِنْ سَائِرْ مَعَاسِ صِغَارِهَا وَكِبَارِهَا وَمِنْهَا الْمُحْدَثَاتِ وَالْبِدْعَ. Donc, et aussi ces prédicateurs qui se tiennent sur la vérité, ils mettent en garde les gens contre tout ce qui encourt la colère d'Allah Azza wa Jal, parmi toutes les désobéissances. Parmi toutes les désobéissances. Et la pire des désobéissances à Allah Azza wa Jal, la pire des injustices, c'est le polythéisme. Le fait d'associer quelque chose à Allah Azza wa Jal. Comme ils mettent en garde contre toutes les désobéissances à Allah Azza wa Jal, ils mettent en garde contre cela, que ce soit des désobéissances minimes ou grandes. Et parmi ceux-là, il y a tout ce qui est inventé dans la religion, ce sont les innovations religieuses. Donc ils mettent en garde contre les innovations religieuses. وهذا هو جانب التربية وجانب التصفية. Et ceci est ce que les savants disent, l'éducation et la purification. C'est-à-dire qu'ils purifient les croyances, la voie à suivre de tout ce qui a été mélangé et tout ça, en leur montrant la voie claire, et ils éduquent les gens sur cette voie claire. وَمَنْ تَأَمَّلَ الْقُرْآنَ وَسِيرَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في سنته القولية والفعلية والإقرارية يجد هذا. Et celui qui médite sur le Coran ainsi que sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans sa sunna, la sunna ça inclut ce qui est dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a agréé, eh bien il trouvera en fait cette démarche là à suivre, c'est-à-dire d'inviter les gens avec clairvoyance en insistant tout d'abord sur le tawhid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 13 premières années de la da'wah, c'était basé sur la aqidah. Sur la aqidah. Après ces 13 années-là, la prière a été légiférée. La façon de la faire comme nous la faisons aujourd'hui. Après ces 13 années-là. Donc on ne doit pas mélanger les étapes. On doit commencer par ce qu'a commencé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que lorsque les gens, les musulmans sont sur une croyance correcte, ils acceptent tout ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, et tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pourquoi ? Parce que leur croyance, elle est correcte. Lorsque l'on voit dans la sunna et dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans le Coran, nous voyons que c'est cette voie-là à suivre. Donc ils trouvent cette notion d'éducation et de purification. Qala ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dans sourate Al-Anbiya, dans la traduction du sens du verset 25, Allah Azza wa Jal dit « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. هذه الآية وما في معناها دليل صريح أن أصل هذا الدين الإسلام أساسه أمران. Donc ceci, ce verset-là explique clairement, et c'est une preuve claire, que la base de la religion de l'Islam a deux points ici. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحرير على ذلك والموالاة فيه والكفر من تركه. Le premier point, c'est que l'islam est basé sur l'invitation à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. On n'invite pas les gens à suivre un groupe, ou à suivre nous, ou à suivre je ne sais pas quoi. On invite les gens à adorer Allah Azza wa Jalla seul, hein, sans rien lui associer, en insistant sur cela. Et que les alliances se font dans cela. Et les alliances se font dans cela. Et la mécréance est sur celui qui délaisse l'adoration à Allah Azza wa Jal. والأمر الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه والتكفير من فعله. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que on met en garde les gens contre le polythéisme dans l'adoration à Allah Azza wa Jal. On montre les dangers de cela. Et le désaveu se fait sur cela. On se désavoue des gens qui associent quelque chose à Allah Azza wa Jal, hein? Et on rend mécréant celui qui pratique le polythéisme en associant quelque chose à Allah Azza wa Jal. هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم والتي أخذ عنه أصحابه رضي الله عنهم ثم أخذ عنهم أئمة الهدى والعلم والإيمان خلف عن سلف. Donc ceci est la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en invitant les gens, hein, à la religion d'Allah. Ceci est la façon de faire. Comme l'a fait ses compagnons, ainsi que tous les imams de la guidée qui les ont suivis, qui ont pris. Donc de ceux qui les ont suivis aux prédécesseurs, ils ont pris cela des prédécesseurs. Athani. Le deuxième type de prédicateur, donc ça on a parlé des prédicateurs qui sont sur la vérité. Deuxième type de prédicateur, du'at al-hawa wa al-dalal. Hum alladhina yantahijuna minhaj ar-ra'y al-fasid wa al-qiyas al-fasid wa yujanibuna ma tadammanathu an-nusus wa ma akthar i'timaduhum 'ala al-qisas wal-hikayat wal-ahadith al-mawdu'a. Fa ha'ula yufsiduna wa la yuslihun wa yahdimuna wa la yabnun wa yudilluna wa la yahdun. Donc ceux-là, le deuxième type de prédicateurs, ce sont les prédicateurs qui suivent leur passion et ceux qui sont égarés. Ce sont ceux qui suivent les voies de l'opinion. Hein? Il veut philosopher. Et celui qui veut faire l'analogie incorrecte. Il s'écarte de ce qui est authentique et suivent les équivoques. Ils s'écartent de ce qui est clair et suivent ce qui est moins clair. Et ceux-là, ce sont ceux souvent qui se basent sur les histoires, sur les hadiths qui sont inventés. D'accord ? Donc ceux-là, ils corrompent les gens, mais ne les corrigent pas. Ils démolissent, mais ne bâtissent pas. Ils égarent et ne guide pas. Et même si auprès des gens, les gens les aiment bien, ça c'est pas une preuve. Le fait que les gens aiment quelqu'un, c'est pas une preuve qu'il est sur la droiture. On veut savoir s'il est sur la droiture, on voit s'il est sur le Coran et la Sunna et sur la compréhension des pieux prédécesseurs. فَالْعِبْرَ بِإِصَابَةِ الْحَقْ لَا بِكَثْرَةِ النَّاسِ. Parce que c'est le fait d'être sur la vérité et non d'être énorme, yani d'être un grand nombre. Ce n'est pas le fait d'être un grand nombre qu'on croit qu'on est sur la vérité. D'accord ? Allah Azza wa Jalla dit: "Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka 'an sabilillah." Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Donc c'est le fait d'être sur la vérité, même si tu es seul, même si tu es seul. L'essentiel, c'est que tu te tiennes sur la vérité. Car tu seras seul dans ta tombe, tu te feras juger seul dans ta tombe, hein? Le jour de la résurrection, tu te feras juger. Dans la tombe, on se fera juger sur la croyance. Donc ce n'est pas en voulant plaire aux gens, ou bien en pensant que parce qu'on est nombreux qu'automatiquement on est sur la vérité. Non, on doit craindre Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit Al jama'a man asaba al haqq wa law kunta wahdak. Al jama'a, qui normalement le mot indique que tu es un groupe de personnes, c'est lorsque tu es sur la vérité, même si tu es seul. C'est-à-dire que même si tu es seul, mais tu te tiens sur la religion légiférée d'Allah Azza wa Jal, tu es le jama'a. Même si tu es seul. D'accord ? وما أحسن ما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. السلام عليكم بشرى قريب بشرى كمان شمس. إن شاء الله. Et comme est très bien la parole de ce que le Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, suis la voie de la guidée. Et ce, et ne sois pas influencé par le fait que le peu que de personnes le suivront, cette voie-là, ne te nuira en rien. C'est pas parce que peu de personnes suivent la voie de la guidée, d'accord ? Faut pas que tu sois. Cela te nuira en rien. Et prends garde aux voies de l'égarement, prends garde aux voies de l'égarement, et ne sois pas impressionné par le nombre de gens qui vont vers la destruction. Donc tiens-toi sur la voie droite, et ne sois le peu de gens qui suivent cette voie droite ne te nuira en rien. Et prends garde de suivre les voies de l'égarement et ne sois pas impressionné par le nombre de personnes suivant ces voies-là. Et thalith du'at al-jahl. Le troisième type de prédicateur, ce sont les prédicateurs de l'ignorance. Laysa 'indahum min al-'ilm yubassiruna bihi an-nas wa kull ma 'indahum annahum yuqalliduna man yuhsinuna bihi adh-dhann min ghayri tasfiyah. وإن قال قائل من أين لكم هذه القاعدة قاعدة التربية والتصفية. Donc il a dit le troisième type, ce sont ceux prédicateurs de qui se tiennent sur l'ignorance. Ils n'ont pas d'ilm, ils n'ont pas étudié, ils sont juste comme ça. Et juste ils suivent ceux qui pensent qu'ils sont bien. Hein? Ceux qui pensent que ce que eux ils pensent qu'ils sont bien, juste ils suivent cela et puis ils répètent cela. D'accord? Et ils n'ont pas de savoir cela. Et donc si quelqu'un questionne donc d'où est cette règle-là de التربية والتصفية, l'éducation et la purification, فالجواب أولا التربية هي تبصيرة الناس لدين الله الحق من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح والتصفية تحذيرهم مما يكدر صفوة التدين لله عز وجل. Donc il a dit premièrement la réponse c'est que l'éducation c'est le fait de clarifier la religion aux gens. Clarifier la religion aux gens. Se basant sur le livre d'Allah, sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ça, c'est l'éducation. Wa tasfiya, la purification, maintenant, c'est quoi hein? C'est le fait de les mettre en garde contre tout ce qui peut corrompre le fait qu'ils se mettent sur la voie droite. D'accord ? Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah ainsi que dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Makhraj Ahmed wa Muslim min hadith Abdurrahman Abdurrab al-Ka'ba an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal innahu lam yakun nabiyyun qabli qat illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayrin ma ya'lamunahum wa an ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un prophète avant moi excepté qu'il a montré la voie claire à sa communauté et au bien qu'il le connaît. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné tout le bien. Il n'y a pas un truc qu'il n'a pas oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis tout de la religion d'Allah azza wa jal, sans rien oublier. Et il les a mis en garde contre tout le mal qu'il connaît. Et votre communauté, le bien a été mis dans ses premiers. Et ces derniers de cette communauté seront touchés par des épreuves et des choses que vous détestez. Des épreuves et par des choses que vous détestez. Ce hadith est très clair et donne plusieurs informations, dont le fait que les derniers seront éprouvés par les choses détestables. Deuxième point, najatu fi hadi, najatu fi hadi man salaf, wa fi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabihi, thumma min ba'dihi min a'immat al-huda. Et le fait d'être sauvegardé, c'est quoi? C'est de se tenir sur ce qu'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis à la perfection. وأخرج ابن عمر بن عبد البر في التمهيد بسنده إلى مالك بن أنس رحمه الله وقال كان وهب بن كيسان دونك الإمام مالك رحمه الله دي وهب بن كيسان يقعد إلينا دونك ساسي avec nous ولا يقوم حتى يقول لنا il ne se levait pas jusqu'à ce qu'il nous dise اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولا. Sachez que rien ne corrigera les derniers excepté par ce qui a corrigé les premiers. Rien ne corrigera les derniers excepté par ce qui a été corrigé par les premiers. قال ابن الفرج رواية مالك رحمه الله ماذا يريد كفتيل قال مالك مالك دي يريد بداء الدين أو التقوى il veut dire par cela ce qui corrigera les derniers hein, c'est le début de la religion ou la piété فمن يقول للناس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وقال الأئمة فحق علينا عونه ونصرته لأنه والدب عن عرضه لأنه داعية حق وبصيرة ومن عداه ليس كذلك ليس من دعاة الحق والبصيرة. C'est pour ça que le Cheikh Ubayd Hafidhullah dit donc celui qui dit Allah Azza wa Jalla dit le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dit les compagnons disent les imams de la voie droite disent eh bien celui-là nous devons le supporter et protéger son honneur car c'est un prédicateur qui se tient sur la vérité et de la clairvoyance. Tandis que ceux qui l'opposent, eh bien, ne sont pas des prédicateurs de la vérité et de la clairvoyance. هو إما جاهل جاهل أو ضال مضل وكلاهما مفسد. Celui qui l'oppose, soit c'est un ignorant, ou soit c'est un égaré qui égare. Mais dans les deux cas, c'est quelqu'un qui corrompt. Et parmi ces corrupteurs, ceux qui corrompent, il y a tous ceux qui s'apparentent à la science, mais se basant sur les livres philosophiques. Donc j'ai résumé sa parole parce qu'elle était un peu longue ici là. Mais se basant donc sur les livres philosophiques et d'opinion dans lesquels vous trouverez de nombreuses mécréances. Et parmi ces corrupteurs, yani, il avait cité le Cheikh Al-Maududi, Hassan Al-Banna, Sayyid Qutb, qui sont à l'origine du takfir. Et de la division de la communauté musulmane. Tous ces livres ne sont pas basés sur le livre d'Allah, ni sur la sunna, ni sur la compréhension des pieux prédécesseurs, mais sur leur discours et leurs pensées. Et le dernier point, on va terminer sur ça, inshallah, parce que c'est l'heure. Al-martabatu rab'a al-sabr. Le quatrième point, c'est la patience. La tadhun, ya sahib al-sunna. أن تمشي دواما على الدباج والحرير والقطن. Ô toi qui empruntes la voie de la sunna, ne pense pas que tu vas emprunter cette voie-là et que ce sera quelque chose de facile et que comme si que tu marches sur du coton hein, ou sur de la laine ou sur quelque chose qui est doux. إذا كنت نصبت نفسك داعية حق على طريق محمد صلى الله عليه وسلم فلابد أن ينالك ما ينالك من الأذى. Sache que si tu empruntes cette voie-là, eh bien, et que tu t'es apparentée à la voie sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu seras éprouvé. Éprouvé par des gens. Éprouvé. فتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصبر فإنك إن صبرت وأوسعت ما حولك من أهل المكائد يعني وأوسعت ما حولك من أهل المكائد صدرك وجاهدتهم بالعلم بلغت حجة الله وأقمت على كل معاند مستنكف مستكبرا أو انتفع بك ممن أراد الله له لهم الخير ممن سبق في علمه أنهم أهل الهداية. Donc à toi de patienter. Ça, c'est le conseil du Cheikh Ubaid. Il dit à toi donc de patienter. Hein, lorsque tu seras confronté à cela, parce qu'il faut attendre que tu seras de toute façon tu seras confronté à cela. Hein? Voyez ce qu'avait dit le cousin de Khadija radhiyallahu anha au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un prophète qui est venu avec ce que tu es venu, excepté que sa communauté l'ont combattu. Subhanallah. Ça, c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Il invitait les gens à n'adorer qu'Allah azza wa jal seul, et à se dissocier de ce qui est adoré en dehors d'Allah, et à mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah, et à le suivre. Les gens l'ont combattu. Ils l'ont combattu. Subhanallah. Alors qu'ils savaient qu'il était véridique. Donc, à toi d'être patient. À toi d'être patient. Et de confronter les gens qui essaient de te nuire avec les preuves et avec la clairvoyance. D'accord ? فالصبر مع النصر كما ان الفرج مع الكرب واليسر مع العسر هذا فيما اصابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Et c'est pour ça que le cheikh avait dit donc la patience hein, vient avec la victoire. Et le succès vient après les difficultés et la facilité avec la difficulté. Donc c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné. Et il avait terminé le shir, inshallah on va terminer sur cela, inshallah. فَإِذَا عَجَجْتَ وَأَعْيَاكَ السَّبِيلَ فتسن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Et donc si ça devient beaucoup difficile et tout cela, et que tu vois vous rencontrer les gens qui suivent leur passion ou quoi que ce soit, à toi d'appliquer ce verset. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. C'est-à-dire à toi de t'assurer que ce que tu dis ne contredit pas ce que tu fais. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. C'est avec les cheikh l'islam, rahimallah, a dit, avec la patience et la certitude, la conviction, vous atteignez la position de l'imam dans la religion. Jazakum Allahu khairan pour votre patience. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.